Cheryong-hee, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, a inspecté les chantiers de réaménagement de l'arrondissement de Samdi-yeon. Il a fait le tour du musée général de Baek-tusan et de la voie ferrée large Haesan-Samdi-yeon en construction et d'autres chantiers pour encourager les bâtisseurs. La réunion consultative tenue sur place a porté sur l'entretien et la conservation permanente des anciens théâtres de combat et des hauts lieux de la révolution du district du Mongbaek-do et sur la nécessité de mener efficacement le travail politique et organisationnel du parti en vue de mener au rythme accéléré et au niveau suprême qualitatif tous les travaux de construction dans l'arrondissement de Samdi-yeon. Cheryong-hee a visité aussi la centrale des jeunes héros de Baek-tusan et invité le personnel de la centrale à innover dans la production électrique.